بسم الله الرحمن الرحيم. Donc j'ajoute quelque chose que j'avais pas rajouté la dernière fois. Que les Qahtaniyoun, Al-Ansar, Al-Madina, les Aws et les Khazraj font partie des Qahtaniyoun. Et Allah Azzawajal a secouru son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par eux. L'imam al-Kathir dit « Fasl ». Donc dès que Nasabi, sallallahu alayhi wa sallam, barda annan. Donc la mention de son ascendance au prophète sallallahu alayhi wa sallam après Adnan. وهذا النسب الذي سقناه الى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع. Donc il dit que ce qu'il a cité comme ascendance jusqu'à Adnan, il n'y a aucune divergence. وهو ثابت بالتواتر والاجماع. Et il est établi par de nombreuses voix et par l'unanimité. Personne n'a contredit sur ça. وإنما الشأن فيما بعد ذلك لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله. Donc il dit la divergence vient après Adnan. Mais il n'y a aucune divergence également entre les gens de l'ascendance et autres parmi les savants des gens du livre que Adnan fait partie de la descendance de Ismaïl, le prophète d'Allah. وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة. Et c'est lui que Allah Azzawajal a ordonné d'égorger à son père Ibrahim selon la vie juste parmi les paroles des Sahaba et des Aïma. Et ça c'est la vie juste que c'est Ismaïl et que ce n'est pas Ishaq. Et les gens du livre disent que c'est Ishaq. Et le voit préférable, bien sûr, les juifs voient la préférence sur Ishaq parce qu'ils découlent de Ishaq. Ce sont eux de la descendance de Ishaq et les arabes de Ismaïl. Wa Ismaïl ibn Ibrahim Khalil al-Rahman Ali afdalus salati wa salam. Wa qad ikhtalifa fi kam abin baynahuma ala al-aqwal. Donc Ismaïl ibn Ibrahim, le Khalil, l'ami intime d'Allah Azzawajal, alayhi afdalu salatu wassalam, et donc il y a eu des divergences sur combien de pères il y a entre les deux, c'est-à-dire entre Ismaïl et Adnan. Fa akthar ma qila 40 aba. Donc le plus grand chiffre avancé ça a été 40 pères. C'est-à-dire il y a 40 personnes entre Ismaïl et Adnan. وَأَقَلُّ مَا قِيلْ سَبَعَةُ أَبَا. Et le plus bas qui a été dit, c'est 7. وَقِلْ تِسْعَى وَقِلْ خَمْسْتَ عَشَرَ ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي أَسْمَيْهِمْ. Donc il a été dit 9 et il a été dit 15. Et il y a eu des divergences sur leur nom. J'en profite pour dire une petite faïda au niveau de la langue arabe, que les chiffres de 11 à 19, donc comme ça, khamsata ashara, ils sont, on dit mabni ala fatha al-juz'ayn, c'est-à-dire que les unités et les dizaines ont tous les deux à la fin une fatha, quelle que soit leur place dans la phrase, ils sont mabni, c'est-à-dire ils sont invariables. Ça sera toujours avec une fatha à la fin, de 11 à 19. Avec bien sûr bon, les règles qui suivent suivant ce qui est féminin ou masculin. Donc il y a toujours la différence entre les unités et les dizaines. Khamsata, ashara. Donc là, ce qui est féminin, c'est khamsa. Et les dizaines, ashara, il est masculin. C'est toujours différent l'un et l'autre suivant ce qui est défini. وَقَدْ كَرِهَا بَعْدُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةُ الْإِنْتِسَابَ إِلَى مَا بَعْدَ أَدْنَانَ. ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك. Donc certains salaf et des imams ont détesté le fait de rattacher le prophète sallallahu alayhi wa sallam à après Adnan. Et pourquoi? Eh bien ce caractère détestable du fait qu'il y a des divergences. Donc à partir de là, on n'a pas besoin, on s'arrête à Adnan sur ce qui est ce qui est l'unanimité, et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et c'est cité de Malik ibn Anas al-Asbahi, l'imam, qu'il a détesté ça. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب الأنباه الأنباه والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا donc il dit que les savants de cette science ils disent sur Adnan que c'est Adnan ibn Udad ibn Muqawwam ibn Nahur ibn Tayrah ibn Ya'rub ibn Yajjub ibn Nabat ونابت ibn Ismail Ibn Ibrahim Khalil al-Rahman. Ensuite, ils poursuivent. Donc là, ils ont cité combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, donc c'est la vie qui a 7 entre Adnan et Ismaïl. Ensuite, après Ibrahim, poursuivent. Ibrahim ibn Tarih, wa huwa Azar. Donc le père de Ibrahim, c'est Azar. Et ça, on a le Coran qui témoigne de ça. Donc ça, c'est une chose thabite. Et celui qui dit que le père d'Ibrahim ne s'appelle pas Azar, celui-là, il a contredit le Coran. Ibn Nahur, Ibn Sharuh, Ibn Ra'u, Ibn Farih, Ibn Aybar, Ibn Shalakh, Ibn Arfakhshaz, Arfakhshad, Ibn Sam, Ibn Nuh. Donc le Sam ibn Nuh. De là vient le mot sémite en français. Que les sémites sont les arabes et les juifs rentrent dans les sémites. Et contrairement à ce qui est beaucoup utilisé en France, l'antisémitisme, il l'utilise toujours pour les juifs. Mais en fait, même les choses contre les arabes, ça rentre dans l'antisémitisme. À partir de là, un arabe ne peut pas être antisémite. Donc Sam ibn Nuh ibn Lamak ibn Matushalakh ibn Akhnour wa huwa Idris an-Nabi alayhi salam فيما يزعمون que dit c'est Idris le prophète donc Akhnour dans ce qu'ils prétendent wallahu alam Allah est plus savant wa huwa awwal nabi Adam et c'est le premier وهو أول بني آدم وأعطي النبوة بعد آدم وشيث donc il dit que c'est le premier parmi les descendants de Adam à qui il a été donné la prophétie après Adam et Shith et sa chère Hafidha Allah il dit que c'est pas sahih ça et que le premier prophète à qui il a été donné la prophétie après Adam, donc c'est Nuh, alayhi salam. Il prend comme argument la parole d'Allah, Azza wa Jal. Inna awhayna ilayka wa kama awhayna ila Nuh wa nabiyyina min ba'di. Nous avons fait surtout une révélation, comme nous l'avons fait à Nuh et aux prophètes après lui. Il dit ensuite, Ibn Abd al-Barr, wa awwalu man khatta bil qalam. Et c'est le premier qui a fait des traits avec le premier qui a écrit Ibn Yard Ibn Mahalayil Ibn Qaynan Ibn Yanish Ibn Shith Ibn Adam alayhi salatu wassalam hakadha dhakarahu Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yasar al-Madani sahib al-Sirat al-Nabawiyya donc il cite ça de Muhammad Ibn Ishaq l'historien. Wa ghayruhu min ulama an-nasab et d'autres que lui parmi les savants de l'ascendance. Wa qad nadama dhalika Abu al-Abbas Abdullah ibn Muhammad an-Nashi al-Mu'tazili fi qasida yamdahu fiha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu al-Abbas donc Abdullah ibn Muhammad an-Nashi l'a fait en poésie. Il a cité ça en poésie dans une poésie dans laquelle il loue le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite donc que c'est un Mu'tazili. وقد وردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيبه وهي قصيدة بليغة et donc l'imam Abu Omar Ibn Abd al-Barr l'a cité donc dans Al-Inba, et également notre cher dans At-Tahdhib, et son cher qui veut dire Ibn Kathir, c'est Al-Hafidh Al-Mizzi. Al-Hafidh Al-Mizzi, qui est un grand imam, il a marié sa fille à l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Al-Hafidh Al-Mizzi, il a deux livres qui sont des références, il a écrit que deux livres, mais qui sont devenus des références, qui sont Tuhfat al-Ashraf, dans lequel il rapporte les hadiths des cimères, et à chaque hadith, il dit qu'il les rapporte parmi les six, et Tahdhib al-Kamal, dans lequel il a rassemblé les rapporteurs de toutes les chaînes de transmission des cimères, donc les deux Sahih al-Bukhari muslim et les quatre Sunan Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Et il a ramené leurs mashayikh, leurs élèves, et les paroles des salafs sur eux, en jarh et tardil, en critique et éloge. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.